jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Et puis ce qui est émouvant, effectivement, c'est de redonner une structure, de reconstruire un poêle et de le voir fonctionner à nouveau pour 30, 40 ans. Voilà, c'est effectivement une nouvelle naissance. Bonjour à tous, bienvenue en Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace. Aujourd'hui, je pousse la porte de l'atelier de Jérôme Claudel Tolaigne, maître poêlier à Nancy. Bonjour Jérôme Claudel Tolaigne, merci de me recevoir dans votre atelier à Nancy. Eh bien bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier de la rue des Sœurs Macaron. Effectivement, je suis restaurateur de poêles en faïence. Nous sommes 5 en France à continuer de pratiquer ce métier qui consiste donc à réparer, à remettre en état et à redonner vie à des poêles anciens. Accessoirement, de temps en temps, à des cuisinières à bois anciennes. Alors Jérôme, vous l'avez dit, vous êtes un des derniers maîtres poêliers de France, mais au départ, vous n'étiez pas destiné à devenir maître poêlier. Alors pas du tout, effectivement, vous avez raison, j'ai un parcours qui n'est absolument pas linéaire et assez atypique, dans la mesure où j'ai fait principalement des études de lettres. Ensuite, j'ai évolué vers un BTS de génie civil avant d'œuvrer dans le bâtiment, les travaux publics. D'abord comme cadre travaux et ensuite comme maître d'œuvre. Donc vous étiez maître d'œuvre et puis subitement, c'est décidé, vous vous tournez vers les poêles et vers les métiers d'art. Alors pourquoi ce virage à 180 degrés et cette passion pour les poêles ? Cette passion pour les poêles, elle existait de manière sourde depuis longtemps, puisque j'avais l'habitude de traîner dans l'atelier d'un poêlier qui aujourd'hui est retraité. Voilà, après, ce sont les circonstances de la vie qui font que certaines périodes, on peut être amené à reconsidérer sa carrière professionnelle. Et Jérôme, qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement, dans les poêles ? Ce qui me passionne dans les poêles, c'est d'abord qu'il s'agit d'un meuble qui est fonctionnel et qui pour autant ne manque pas de charme et qui de tout temps a fait l'objet de toutes les attentions, notamment d'une recherche esthétique. Et voilà, ce qui est passionnant, c'est qu'ils sont tout à fait divers, il n'y a pas deux poêles identiques, par leur époque, par la faïencerie dont ils sont issus, par voilà, leur style, leur taille. C'est absolument passionnant de redonner vie à ces calorifères. Et d'autant plus que vous m'avez expliqué un petit peu hors antenne que justement, ce qui vous touche, c'est que vous redonnez vie à des poêles qui parfois n'ont pas fonctionné pendant 10, 20, 30 ans. C'est assez émouvant, hein, j'imagine, d'assister à la première poêlée, si je puis dire, et à la remise en marche, en état, du poêle. Oui, absolument. Je suis parfois amené à essayer de redonner vie à un tas de cailloux, à des cattels qui ont été retrouvés, donc les cattels étant les carreaux de faïence qui constituent le poêle. Voilà, je suis parfois amené à essayer de recomposer un puzzle et à essayer de retrouver à quoi peuvent correspondre ces cattels. Et puis, ce qui est émouvant, effectivement, c'est de redonner une structure, de reconstruire un poêle et de le voir fonctionner à nouveau pour 30, 40 ans. Voilà, c'est effectivement une nouvelle naissance. Alors, on m'a dit que parfois, vous meniez la vie de château. Expliquez-nous. Et il se trouve que les personnes qui sont amenées à restaurer ce genre de poêle ou à en acheter parfois, c'est souvent dans le cadre du respect du patrimoine. Ce sont des gens qui sont passionnés par le patrimoine, par l'histoire, par le savoir-faire d'antan, et qui ont à cœur, plutôt que de creuser une piscine, ils ont à cœur de redonner vie à leur poêle. Donc effectivement, ce sont des gens qui, pour la plupart du temps, disposent de demeures historiques, et effectivement, je suis amené à intervenir dans des lieux assez passionnant, assez joli et chargé d'histoire. Un exemple en particulier ? Plusieurs exemples. J'ai travaillé effectivement dans le château qui fut celui de Marguerite d'Anjou, qui accessoirement fut reine d'Angleterre, héroïne de la guerre des Deux Roses. mais également dans de très belles demeures à Pommard, dans la vallée de la Loire ou un peu partout en France. Et concrètement, par exemple, à Pommard ou pour le château d'Anjou, c'était quoi comme poêle? Alors à Pommard, il s'agissait d'un poêle familial que j'ai restauré d'une manière un petit peu anachronique, si je peux me permettre ce terme, dans la mesure où j'ai électrifié ce poêle, ceci pour des raisons de sécurité, mais surtout de confort, dans la mesure où il s'agissait d'une maison secondaire, résidence secondaire. Donc j'ai électrifié ce poêle, ce qui permettait de s'affranchir des corvées de bois, de ramonage ou même de nettoyage. Et concrètement, ce poêle, quelle couleur, quelle forme, quelle époque? Alors c'était un joli poêle d'époque Empire, donc avec de forme ovale, qui était d'un blanc crémeux, donc un émail à l'oxyde de zinc, et qui disposait de magnifiques pattes assez rares que j'ai dû recréer parce qu'on n'a pas retrouvé toutes les pattes, donc j'ai dû travailler sur la création de ces pattes. Et voilà, de forme ovale, très beau, avec des cannelures et un joli marbre. C'était un poêle qui traînait dans le grenier depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui réchauffe ce joli château à Pommard. Alors justement, Jérôme, vous nous montrez dans votre atelier comment est-ce que vous faites pour restaurer un poêle ancien en faïence. On y va, c'est parti? Je vous suis? Allons-y. Donc là, Jérôme, on vient d'arriver dans votre atelier, partie atelier confection. Oui, je tenais absolument à vous présenter ce carreau qui est absolument magnifique. C'est un carreau qui est estampillé Villeroy et Bosch. Bosch étant un des plus anciens faïenciers de l'Est de la France. Mm-hmm. Donc là, c'est du sarguemine et c'est un émail plombifère. Donc c'est un blanc, mais qui n'a pas été fait, un émail blanc, qui n'a pas été fait avec de l'oxyde de zinc, mais avec du plomb. Donc regardez, c'est un émail qui est absolument parfait, sublimissime. Mm-hmm. Et voilà, avec un décor ton sur ton. Un décor floral. Un décor floral, absolument. Et voilà, très fin, très raffiné. Voilà, ça c'est le poêle sur lequel je suis en train de travailler actuellement et qui rejoindra le pavillon de chasse de Louis XV à Marcoussis. Je pense que ça va faire un très très beau poêle. Ce qu'il y a de drôle, si vous voulez, avec ce poêle, c'est qu'il s'agit de carreaux que j'ai achetés dans des caisses, dans une famille qui disposait de caisses contenant des carreaux de faïence. Donc je ne savais pas ce que j'ai acheté, quoi. Je savais pas ce que j'ai acheté et finalement à l'intérieur il y avait trois poêles entiers, voilà, grâce à Dieu. Donc voilà un petit peu ce qui se vend. Ben ça c'est un poêle assez joli, un poêle empire. Celui-là est parfaitement rond, celui qui se trouve à côté est ovale. Mm-hmm. Et voilà, ça c'est le genre de poêle qui plaît particulièrement parce que il est blanc, d'un blanc laiteux. Et avec une porte de chauffe-plat en laiton, des cerclages en laiton, voilà, un joli marbre qui le couronne. Oui. Et une galerie, la galerie étant le dernier rang de carreaux qui se situe juste sous le marbre, qui est ajouré et qui constitue une zone de transition entre la partie chaude en bas et le marbre qui se trouve au-dessus. Le poêle qui est juste derrière est un poêle qui est issu de la faïencerie de Lunéville, oui. Avec les angles torsadés qui sont assez typiques, quoi qu'on en retrouvait à la faïencerie de Toul-Bellevue également. Mais ce motif-là, géométrique, est parfaitement symptomatique de Lunéville. Et voilà, j'ai des catalogues également de Lunéville où on retrouve ce poêle et qui permettent également de le dater. Alors Jérôme, lorsque vous restaurez des poêles anciens en faïence, quelle est la première étape du travail? Vous nous montrez? Bien sûr. Alors la première étape de restauration du poêle, c'est son démontage. Donc on démonte très précautionneusement. Donc là on voit que vous avez déjà démonté, en fait, ce travail est déjà fait. Oui, tout à fait, le travail de démontage a été réalisé. Et également le travail de repérage, parce qu'il s'agit de repérer les cattels, connaître leur emplacement. Donc je fais une marque, j'ai un système de numérotation sur chaque carreau, et puis bien sûr, il y a un reportage photo qui est réalisé en même temps que le démontage. L'étape suivante, c'est le vidage des cattelles, qui sont, donc la cattelle étant les carreaux qui constituent le poêle. Et en fait, elles ont, si vous voulez, une membrure, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une botte, voilà, qui donne une épaisseur et une tenue au carreau. Et à l'intérieur, vous voyez sur ce carreau, par exemple, qu'on a un creux. Et ce creux est rempli par un coulis réfractaire et des briques. Eh bien, moi, mon travail, après le démontage, c'est de vider ces carreaux très précautionneusement, sans casser les carreaux, et puis ensuite de nettoyer les carreaux. Et là, vous saupoudrez de quoi? De farine? De quoi? C'est quoi? C'est une poudre de perlimpinpin. Ah, d'accord. Pour lustrer un peu, pour... Pour décaper la céramique, enfin l'émail. Effectivement, maintenant, l'émail apparaît beaucoup plus blanc. Hein. Il n'y a pas photo à la période avant... Avant le traitement par l'eau et la perle à papin, comme vous dites. Donc là, c'est beaucoup plus propre et visible, l'émail. Voilà, après, en fonction des agressions du temps, eh bien, on adapte les produits, à savoir qu'il peut y avoir de la peinture. Et là, vous faites quoi, là, avec un petit outil? Là, j'enlève, en fait, le plâtre résiduel qu'il y a à l'intérieur, voilà, de manière à rendre l'aspect original à la pièce. Et donc là, Jérôme, vous venez de laver la pièce, de la lustrer, et donc là, on attend que ça sèche. Tout à fait. Jérôme, la pièce est sèche, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien maintenant, on va réparer les outrages du temps, c'est-à-dire qu'on va travailler la résine. Donc c'est une résine époxy spéciale qui résiste à très haute température, avec laquelle on va combler les manques, les lacunes, et réparer éventuellement les carreaux qui sont cassés. Alors après durcissement, je ponce cette résine. Et donc vous allez poncer? Voilà, je ponce avec cet outil qui ressemble à la roulette du dentiste. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu de poussière. Ah oui, c'est un métier poussiéreux, effectivement. Oui. Là, Jérôme, vous avez terminé la partie ponçage. Et ensuite, vous faites quoi? Ensuite, je monte le poêle, à proprement parler, rang par rang. C'est-à-dire que je vais assembler les carreaux de manière à former un rang. Il ne vous a pas échappé que les poêles étaient formés de différents rangs qui sont mis en place les uns sur les autres. Donc là, je vais préfabriquer le premier rang en assemblant les carreaux avec différentes techniques, notamment une technique traditionnelle poêlière qui s'appelle l'agrafage. Alors, vous prenez quoi comme outil, Jérôme, dans vos mains, là? C'est une pince Monseigneur qui va me servir à couper ce fil d'acier qui s'appelle une corde à piano, qui est un acier spécial, dit acier bondérisé. Et la pince est très grande, hein? La pince est très grande parce que le fil est très costaud. D'accord. Là, je le coupe, je le tords et je constitue une agrafe à une échelle particulière. Ça doit parfaitement s'emboîter, vous voyez, entre les deux carreaux et... Voilà, il y a une cote particulière et avec le temps, on a une parfaite vision de la taille à donner à cette agrafe. Là, de nouveau, on coupe, on tord. Donc là, ça y est, vous avez fait la partie agrafage. Et ensuite, Jérôme? Et bien ensuite, une fois le rang terminé, je remplis les carreaux avec un coulis réfractaire, dont la recette est un peu un secret de poêlier. Donc ce fameux mortier, puis je mets à l'intérieur des briques pour remplir ce vide que vous voyez là. Donc là, Jérôme, vous avez terminé l'assemblage de l'ensemble des pièces pour le poêle. Et ensuite, s'il y a une dernière étape, c'est quoi? La dernière étape, c'est de mettre en place le marbre qui chapeaute le poêle. Ce marbre, il a été réparé. Des greffes qui ont été réalisées en sous-face parce qu'il était, il était cassé. On a ensuite poncé ce marbre de manière à lui rendre un état de surface parfaitement lisse. Et la toute dernière étape, c'est le petit coup de chiffon avec le perchloroéthylène qui va constituer un bouche-pore et qui va permettre de redonner au marbre son brillant. Voilà, c'est l'odeur particulière. Oui, je... C'est confirmé ? Je confirme. Mais ça aussi a un fonctionnement qui est assez, assez terrible, un rendu qui est assez, assez sympa. Voilà. Mm-hmm. On retrouve le brillant. C'est magique. C'est magique. Jérôme, votre plus beau souvenir d'un poêle restauré ? Un joli souvenir, par exemple, de restauration, ce serait au château de Réveillon, à Cézanne, entre Reims et Paris, où, en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, on a restauré un poêle. Et au démontage, on s'est rendu compte qu'en fait, ce poêle était constitué de carreaux hétéroclites issus de plusieurs autres poêles. Et notre travail, ça a été, en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, de retrouver ce que pouvait être ce poêle à l'époque historique de où il a été réalisé dans le château. Et une autre de ses particularités était le marbre superbe dont il était couvert, qui, après des recherches, est apparu être un marbre issu d'une carrière qui est... assez intimiste, mais qui fut une carrière, c'est à Caunes-Minervois, une carrière à propos de laquelle Louis XV avait décidé que tout ce qui était issu de cette carrière lui était sa propriété. Et voilà, c'est un marbre dans lequel il voyait, un marbre rouge, dans lequel il voyait le symbole de son pouvoir, avec des inclusions blanches, qui bien évidemment étaient la marque de la royauté. Donc voilà, c'est l'histoire de ce poêle qui me semble un très beau souvenir. Il me semble que vous avez été sélectionné pour représenter l'artisanat d'art lorrain au Carrousel du Louvre. Oui, c'est exact. Ça fait plusieurs années maintenant que je participe à ce salon. Alors ça s'appelle le SIPC, c'est le Salon International du Patrimoine Culturel. En fait, ça regroupe... de manière un peu prétentieuse peut-être, mais on va dire l'excellence du savoir-faire français dans différents domaines. Et voilà, et le travail de poêlier est un peu symptomatique de notre région. Donc effectivement, je participe de la Lorraine, tout à fait. Et donc je participe à ce salon où je peux rencontrer des passionnés de patrimoine, et expliquer mon travail et accessoirement des contacts réalisés de jolies restaurations. Et votre plus belle création, c'est quoi ? Alors, en termes de création, je vous l'ai dit, moi, je suis restaurateur, je suis poêlier restaurateur. En termes de création, ça n'est pas un poêle, c'est un meuble. Je pense à cette réalisation, par exemple, qui a été menée avec un architecte parisien, où on a créé tout un meuble en céramique. Combien la taille qu'on... Ah, c'est un meuble qui en développé faisait... il y avait plusieurs meubles. Le principal mesurant en développé, je ne sais plus, 5,50 m de mémoire et un peu plus de 3 m de hauteur. Ah oui, quand même. Oui, c'était un projet de 6 mois. Et voilà, c'est un meuble très original qui a été mis en place à Londres. On a disposé ce meuble en deux nuits dans une galerie commerciale un petit peu hype, à Londres. C'est un projet qu'il faut aller voir sur le site ou de la marque ou le mien, parce que c'est une originalité à l'anglaise, dirais-je. Et alors justement, pour donner un petit peu envie aux éditeurs, avant qu'ils n'aillent voir la création sur votre site internet, à quoi ressemble justement ce magnifique meuble assez grand ? Quelle couleur ? Quel matériau ? Les matériaux, c'est de la céramique, bien évidemment. Il s'agit d'un meuble à gradins, et bah, l'originalité, c'est les couleurs un petit peu flashy. En fait, c'est baby pink et baby blue, donc c'est bleu layette et rose layette, voilà. Alors, on l'a vu, Jérôme, lors de la démonstration, il faut manier différentes techniques, différents matériaux, lorsqu'on est, comme vous, maître poêlier. Quelles qualités, selon vous, faut-il avoir pour être maître poêlier? Je dirais qu'il faut être curieux dans un premier temps, tenace, et puis pas avoir peur de se remettre en question. Donc effectivement, il y a quantité de matière à travailler. Il y a la terre, la céramique. Il faut également savoir travailler l'acier pour toutes les parties métalliques. Il faut savoir travailler le laiton, puisqu'il y a souvent des cerclages en laiton ou des inclusions de laiton. De la même manière, il faut être à même de réparer un marbre, de le poncer, de le polir. Et puis l'intérieur du poêle étant formé de chicanes qui permettent la circulation des fumées, eh bien, il y a toute une structure, on va dire que ça s'apparenterait à de la petite maçonnerie. Voilà, donc ça va, je dirais, de la maçonnerie à la ferronnerie, en passant par la dentisterie pour ce qui est des réparations des cattelles les plus fines et les plus fragiles. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, en fait, c'est un investissement total. Créer une société, c'est un saut dans le vide. Il faut non seulement savoir travailler avec ses mains, bien évidemment, mais aussi un petit peu avec sa tête. Il faut être commercial, il faut répondre aux attentes des clients, prendre leur projet à bras-le-corps, depuis l'esquisse jusqu'à la livraison sur place et jusqu'à la première flambée. Donc ça participe de tout un schéma et voilà, qui comporte pas mal d'étapes. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, que quand on est artisan d'art, ben on est vulnérable parce qu'on est... soumis au bon vouloir des clients, à leurs commandes. Je dirais malgré tout que je vis de ma passion et que ben, ça constitue véritablement un luxe. Et aussi un luxe, vous m'avez expliqué, parce que vous travaillez des pièces liées à l'histoire et qui valorisent le patrimoine. Oui, tout à fait. Je travaille sur pas mal de poêles classées monuments historiques. C'est aussi ça l'intérêt de l'artisanat d'art, c'est de pouvoir être amené à travailler sur des pièces d'exception. Mais quand bien même je travaille sur des poêles plus modestes, il est toujours intéressant de retrouver l'histoire du poêle, de quelle faïencerie il est issu, de quelle époque, à quelle époque il a été fabriqué. Voilà, tout cet aspect historique est absolument passionnant. On découvre également, en démontant les poêles, certaines choses, des inscriptions à l'intérieur des carreaux. Voilà, tout ça, ça participe de la formation d'une culture historique inhérente au poêle. Donc effectivement, il y a l'aspect historique du poêle, mais également de l'endroit où il peut être installé. Manoir, château, demeure historique... Et puis, voire même des familles qui commandent ou qui accueillent ces poêles. Et voilà, moi j'aime l'histoire et je m'intéresse également la plupart du temps à la généalogie de ces familles qui me passent commande et qui est un saut dans l'histoire et qui est absolument passionnant. Jérôme, pour terminer votre actualité, c'est quoi ? Alors, je serai présent cette année encore au Salon international du patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre. C'est début novembre. Voilà. Et parallèlement, eh bien, mon atelier est ouvert. Il est où précisément ? Ben, il est 11 rue des Sœurs Macaron, à Nancy. Et voilà, il est ouvert. Et j'ai toujours plaisir à accueillir des gens et à leur montrer un petit peu mon travail. Et puis les quelques pièces assez jolies, je crois, qui traînent dans cet atelier. Jérôme, le mot de la fin, pour terminer. Et le mot de la fin, ce serait juste d'essayer de faire partager le bonheur qui est le mien, quand après avoir récupéré un tas de cailloux, je dirais, un poêle branlant, au carreau fendu, cassé, aux pattes disparues et aux marbres ruinés, eh bien on arrive à refaire quelque chose, à reconstruire, à rénover, à reconstruire un poêle qui va fonctionner, qui va chauffer, qui va apporter de la chaleur chez les gens Et voilà, il y a une petite émotion à la vue de ce poêle qui refonctionne. Et puis aussi, il y a une espèce de sens, comment dire, de l'histoire qui suit son cours, parce que ce poêle, il a déjà été fabriqué, voire certainement restauré par d'autres poêliers avant moi. Et leur travail, on le voit au démontage. Et voilà, l'idée est sympathique de considérer qu'on s'inscrit dans une espèce de filiation, de prolongement. Et voilà, et on a le sentiment de participer à, de manière modeste à l'histoire, la petite en tout cas. Merci beaucoup Jérôme de m'avoir reçu dans votre atelier à Nancy. Et c'est moi qui vous remercie, au plaisir. Au plaisir, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Retrouvez toutes les créations de Jérôme Claudel Tolaigne sur la page Facebook Demain de Maître. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi 28 juillet pour la dernière émission de la saison. Bel été à tous et à très bientôt. Thank you.